c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages? S'est exclamé un jour le général de Gaulle. Je ne sais pas si notre diversité fromagère rend notre pays ingouvernable, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle donne une saveur toute particulière aux visites de nos régions. Savourer un comté fruité dans le Jura, un camembert coulant en Normandie ou encore un roquefort parfaitement affiné dans l'Aveyron fait partie intégrante de la découverte d'un territoire et laisse souvent un souvenir impérissable. Et ça marche dans les deux sens. Lorsque le plateau de fromage arrive en fin de repas, où que l'on soit, ce sont toutes les régions qui s'invitent sur la table. Le bouquet de saveurs et d'odeurs ravive les souvenirs de nos escapades passées. Cet après-midi, nous vous proposons un petit tour de France des fromages, en compagnie d'un spécialiste, François Robin, couronné meilleur ouvrier de France en 2011. Il est l'auteur du fromage pour les nuls aux éditions First. Également avec nous, le sociologue de l'alimentation Éric Birloez, qui nous accompagnera dans nos découvertes fromagères du jour. Et ce sera fromage dessert avec Eric, puisqu'en fin d'émission, comme chaque lundi, il s'intéressera à un aliment qui a voyagé pour se frayer un chemin jusque dans nos assiettes. Aujourd'hui, la fraise. Voilà pour le menu de la deuxième partie de notre bivouac. Bonjour, monsieur l'épicier. Monsieur. Je voudrais du fromage de Hollande. De où? De Hollande. Écoutez, monsieur, nous sommes dans une épicerie située dans le Cantal. Le Cantal, c'est un département placé au milieu de la France. Nous avons, nous en France, la chance d'avoir 287 sortes de fromages. C'est la seule chose qui nous sauve par rapport à l'étranger, pas la diplomatie, le fromage. C'est pour vous dire si je suis pas chauvin. Moi, je vais vous donner du fromage français, monsieur. Vous allez l'amener chez vous, vous allez l'essayer, et s'il vous plaît pas, vous le ramènerez. Ça va? Ça va. Extrait d'un sketch de Fernand Reynaud, la France est fière de ses fromages, bien plus de 287 sortes. Combien de fromages français, François Robin ? Impossible de répondre à cette question avec précision, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le jour où on aura un nombre de fromages fini, ça veut dire que ça n'avance plus, qu'il n'y en a plus qui se crée. Ce serait comme dénombrer le nombre de vins, et ce serait problématique. Une estimation largement faite au doigt mouillé me laisse dire qu'on peut être autour de 2000 fromages. Mais ça dépend vraiment comment on compte. Puisque si on prend le Saint-Nectaire, par exemple, qui est une AOP, il y a plus de 200 producteurs d'un seul et même fromage. Et si on prend un petit fermier, par exemple, dans l'ouest de la France, il peut faire à lui seul 5 ou 6 fromages différents. Ouais. Donc c'est très complexe, quasiment impossible de répondre à cette question, et tant mieux. Ouais. C'est le seul pays au monde qui produit autant de fromages différents, la France ? On est pas mal. Oui, on va dire ça. On va dire qu'on est les premiers, qu'on est champions du monde. Je sens une hésitation quand même. Les Italiens sont très bien. En Italie, il y a vraiment une grande diversité. Il se passe beaucoup de choses. Mais en France, on a vraiment une tradition. On a une variété aussi qui est assez exceptionnelle, qui est liée à la variété des terroirs et des pratiques agricoles qui y sont liées, qui font qu'on est sans doute leader. Mmh. Mais comme c'est impossible de le compter en France, c'est impossible de le compter dans les autres pays. On estime qu'il y a peut-être 10 000 fromages dans le monde. Ce qui explique cette grande diversité sur le territoire français, ce sont les climats, c'est l'histoire du pays. Qu'est-ce qui explique qu'en France, les fromages comme ça prolifèrent en tous sens? Alors, c'est ces deux raisons combinées. Il y a une raison bien sûr climatique qui fait que on a à la fois des régions qui sont très arrosées, où on a des belles pâtures, on a des régions plus sèches, on a de la montagne moyenne, on a des hautes montagnes. Donc on a quatre grands types de terroirs comme ça où le fromage va pouvoir s'exprimer. Le fromage apparaît toujours sur des zones où on ne peut pas faire de céréales. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. Mmh. Historiquement, les zones à céréales sont les zones les plus riches. Là où la terre est un petit peu moins bonne, on a eu l'habitude de mettre des animaux parce qu'ils valorisent l'herbe. Et de cette herbe, on peut tirer du lait. Du lait, on tire du fromage. Ça, c'est la raison géographique. Pour la raison historique, la France, c'est un pays très agricole depuis très longtemps. Mais après, moi, je ne suis pas historien, hein, bien sûr. Et il y a très peu d'écrits sur le fromage. Mmh. Mais elle a su garder au fur et à mesure des crises, notamment des crises comme les guerres, hein, ou les grandes crises qui ont suivi la dernière guerre mondiale, elle a su malgré tout garder et préserver des traditions. Voilà. Et ça a été un sacré travail. Éric Birloez, à quand remontent les premiers fromages sur le territoire français? On le sait, ça, on a une idée. Alors, on peut avoir évidemment des estimations. La première chose par rapport à cette question, c'est de dire qu'en fait, le fromage est finalement très récent dans l'histoire de l'humanité, parce que pour faire du fromage, je vous apprends pas qu'il faut du lait. Et pour faire du lait, eh bien, il fallait avoir domestiqué des espèces de mammifères dont les femelles allaient au bout du compte accepter de nous donner leur lait. Mmh. Alors la domestication, c'était il y a grosso modo 10 000 ans, ça commence avec les chèvres et les brebis au Proche-Orient, un peu plus tard les bovins. Alors pour la France, on ne sait pas très bien. On a des, alors il y a des choses qu'on sait de manière absolument certaine, tout au moins pour ce qui concerne l'Europe. C'est 7200 ans. Pourquoi ? Parce que en Pologne, on a trouvé, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, des petits morceaux de poterie cassés avec des petits trous, et on s'est rendu compte que ces morceaux de poterie datés de 7200 ans avaient contenu du fromage et que les petits trous étaient, ben en fait, c'était une faisselle, un moule. On a fait l'analyse chimique et on s'est rendu compte qu'il y avait des matières grasses qu'on pouvait attribuer au fromage. Et dans le cas de la France, c'est, alors on dit en général autour de 5000 ans, je crois. Mais je pense que c'est peut-être même avant. Vous savez, il y a 7800 ans, il y a quelques migrants qui sont arrivés sur la plage de Roquebrune, près de Menton, et dans leur pirogue, il y avait les produits qu'ils ramenaient de chez eux, c'est-à-dire les céréales qu'ils avaient domestiquées, également des brebis et des chèvres. Et le lait, très probablement, trait de ces animaux, ne pouvait qu'être transformé en fromage, parce que le lait ne peut être conservé que, enfin, pas que, mais d'abord sous forme de fromage. Et puis, il y a peut-être une deuxième raison, c'est que les premiers éleveurs, on n'est pas sûr qu'ils digéraient correctement le lait liquide, et donc la transformation en fromage était un moyen de digérer le lactose du lait. Finalement, François Robin, c'était une façon de faire voyager le lait que de faire du fromage. Le fromage est lié au voyage intimement. Et oui, toutes les émotions gustatives qu'on peut avoir aujourd'hui, tout ce grand produit gastronomique qu'est le fromage, à l'époque, c'était juste une conserve, en fait. C'est un moyen très très concret de conserver le lait plusieurs jours. Le fromage n'est rien d'autre qu'un moyen de survie à une époque, clairement. Quel goût avait ce fromage ? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a déjà des milliers d'années, les hommes faisaient du fromage. Est-ce qu'il était très différent de celui qu'on mange aujourd'hui ? Alors, je crois qu'il a été retrouvé dans une tombe en Égypte récemment, un fromage qui date de plus de 3000 ans, mais personne n'a pris le risque de le goûter. Peut-être. Mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si c'est pas un peu dangereux quand même. Mais est-ce qu'on sait les recettes qu'ils utilisaient à l'époque ? Vraisemblablement les mêmes. Vraisemblablement les mêmes. On a toujours cette, c'est des solutions très simples par des paysans qui permettent de fabriquer du fromage. Donc on a une matière première, on a un moyen de le rendre solide et ensuite de l'égoutter pour le conserver. On rajoute un peu de sel souvent. Donc ces moyens de le solidifier, c'est souvent la caillette, qui est le quatrième estomac d'un ruminant non sevré, veau, chevreau, agneau, ou éventuellement des végétaux, de la sève de figuier, de la sève d'artichaut, de la sève, bref, qui permettent de cailler et de créer un fromage. Et ça date d'il y a très longtemps. Donc le point commun de tous ces fromages qui ont des formes quand même très diverses, c'est le fait de faire cailler le lait. C'est la différence entre, par exemple, un fromage et un yaourt ? C'est exact. Un yaourt est légèrement solide. Un fromage est beaucoup plus solide, si je peux me permettre, c'est un petit peu ce raccourci. C'est surtout qu'on égoutte le fromage. Le fromage est égoutté de manière à évacuer un maximum d'eau, ce qui rend le lait fragile, et concentrer la partie nutritive et la rendre plus voyageable, quelque part. Excusez-moi ce mot qui n'existe pas, mais on peut voyager plus facilement, plus transportable. Ouais. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on fait cailler le lait, il y a des savoir-faire, des techniques, des recettes, des techniques d'affinage qui se sont transmises de génération en génération. Tendez l'oreille, nous sommes en 1933 dans les caves de Roquefort, dans l'Aveyron. Serrez-vous bien, mes chers auditeurs, vous allez nous permettre de descendre à la cave. Pourquoi mit-on ces fromages dans des caves souterraines ? Parce que les caves de Roquefort réalisent seules au monde deux conditions indispensables. Elles ont le degré d'humidité voulu pour le développement du Penicillium glaucum et une température qui se rapproche de 5 degrés dans les bonnes caves comme celles où nous sommes. Ce sont les conditions optimales pour la bonne maturation des fromages. Le Roquefort, un des fromages emblématiques de France. Quelles sont ses particularités, François Robin ? Alors, je vais le prononcer Roquefort pour faire plaisir à tous nos auditeurs aveyronnais. C'est un fromage qui, effectivement, n'a pas beaucoup changé. Là, il parle de cet affinage en cave sur la commune de Roquefort, sur Soulzon. C'est un fromage au lait de brebis, à pâte persillée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur se développe de la vie, sous forme de champignons. Il parle de Penicillium glaucum. Aujourd'hui, on parle plus de Penicillium roqueforti. Mais c'est les champignons vont agir sur la texture, le goût, les saveurs, l'intensité du fromage, vont travailler la pâte. Et ça se passe encore aujourd'hui pour un temps limité, hein, mais ça se passe encore aujourd'hui dans les caves de Roquefort qui sont établies naturellement dans les éboulis de la montagne qui s'appelle le Combaloux. Et ce qu'il dit dans le document sonore, c'est exactement la même chose, l'hygrométrie et la température. À l'époque où il n'y a pas de frigo, à l'époque où il n'y a pas de moyen de gérer ça, cette hygrométrie et cette température sont réglées naturellement dans cet espace qui a été aménagé par l'homme. On peut visiter ces caves aujourd'hui ? Oui, elles sont visitables. Il y a une partie touristique. Les professionnels comme moi ont accès à d'autres parties, mais parce qu'on peut pas tout atteindre, mais effectivement on peut s'arrêter en tant que touriste, tout à fait. Est-ce que le Roquefort d'il y a presque 100 ans, de 1933, de 90 ans, avait le même goût que celui que l'on mange aujourd'hui? Est-ce que les recettes changent, évoluent imperceptiblement? Beaucoup de choses changent. Effectivement, quand on voit des documents, il y a un film qui a été fait en 1927 par le ministère de l'Agriculture sur la fabrication du Roquefort, et on voit que c'est un fromage qui est très peu persillé, très peu bleu. Aujourd'hui, on présenterait ça dans un étal fromager à Paris ou ailleurs, on nous dirait c'est pas du Roquefort, parce qu'il n'est pas bleuté, pas vraiment. Les veines sont un peu erratiques, elles sont pas bien réparties. Le Comté, par exemple, à la même époque, il y a un peu plus de 100 ans, ressemblait très fortement à un Emmental. C'était un fromage qui était gonflé avec des bulles, des trous à l'intérieur. Donc les fromages évoluent en même temps que nous évoluons. Les fromages changent aussi parce qu'il y a des moyens de mieux les fabriquer ou des moyens de mieux les faire voyager, transporter. Éric Birloez. Oui, je pensais en écoutant François, alors peut-être un exemple de fromage qui lui n'a sans doute pas évolué, qui est resté stable, qui est alors un fromage tout à fait anecdotique, qui est un fromage sarde qu'on appelle le Calu Cabretu. Alors c'est un fromage très particulier parce que ça consiste à faire téter un chevreau, ensuite à sacrifier le chevreau, à nouer la caillette, donc cette quatrième poche de l'estomac, par les deux bouts, et puis à laisser les choses se faire. On va pendre ce fromage, et quand on, parce que ça va devenir du fromage à l'intérieur de la caillette du cabri, du chevreau. Donc ce sont les enzymes du chevreau qui se chargent de... qu'on appelle la présure animale, qui va transformer le lait en fromage, et au bout de, je ne sais pas, 2, 3 ou 4 mois, on va ouvrir l'estomac, la caillette de l'animal, et on va déguster un fromage au goût, paraît-il, je ne l'ai pas goûté, particulièrement prononcé. Alors lui, il a peut-être pas changé de goût depuis la préhistoire. Ah, c'est-à-dire c'est une recette ancestrale qui date de la préhistoire, ça? Très certainement, c'est le fromage qui nous permet peut-être de retracer la création du fromage, justement, des peuples nomades qui s'aperçoivent que si on récupère la caillette, il y a quelque chose de solide à l'intérieur. Quand il y a du lait, si on met de l'eau, ça marche pas. Si on remet du lait, ça va fonctionner. Si on coupe un bout de caillette dans un pot de lait, finalement, on arrive à faire du fromage. Voilà, c'est l'homme a observé son environnement. Et c'est donc ce fromage, ce Calu de Cabretu sarde, effectivement, qui témoigne vraisemblablement de l'origine du fromage. Et je l'ai goûté, parce que je l'ai présenté sur mon plateau du concours Un des meilleurs ouvriers de France. Effectivement, c'est prononcé, oui. Oui, ça vous a quand même... C'était l'année 2011 où vous avez gagné le titre. Tout à fait. Ça vous a quand même valu le titre. Voilà, entre autres. Mais c'est un souvenir, oui. C'est plus un fromage témoignage qu'un fromage plaisir. D'accord, on va dire. C'est bien dit, que c'est joliment dit. Nous partons sur les routes de France à la découverte de la diversité des fromages de nos régions. Le temps d'un bivouac savoureux et odorant cet après-midi sur France Inter. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter. Où va l'eau, où va l'âme, et la sève, et les larmes, et va oui. Allez où, allez là, alléluia, allez où, il est où, lui. Et voilà que je fais une fontaine. Fontaine de lait de Camille sur France Inter, le temps d'un bivouac. Alors là, on attend que le lait caille. C'est-à-dire que, en quelques secondes, comme par magie, le lait il va passer de l'état liquide à un caillé. C'est-à-dire qu'il va gélifier. Le lait il a changé d'état. On obtient un gel dans toute la cuve qui ressemble un peu comme un gros yaourt. Le toucher est très agréable, très sensuel. C'est un moment privilégié. Voilà, là, c'est la naissance du fromage. La sensualité du fromage naissant, c'est un comté qui était en train de naître sous les yeux de ce fromager producteur de comté. Le comté fait partie des fromages particulièrement appréciés, François Robin, en France. Oui, c'est le leader dans les fromages AOP, clairement. Hein, c'est de loin, il écrase toute la concurrence des fromages AOP, si on peut dire ça. C'est un fromage emblématique qui a su se renouveler et qui est très intéressant aussi aussi par la filière qu'il a générée. C'est une filière qui est plutôt durable, qui rétribue bien les producteurs de lait. Tout le monde est intéressé, travaille en bonne intelligence. C'est un produit qui grandit au fur et à mesure, raisonnablement, et qui gustativement est clairement vers un meilleur et vers un avenir très radieux. Et d'ailleurs, c'est la meilleure vente des crémiers fromagers en France. Ouais. Alors aidez-nous à nous y retrouver dans les comtés. Il y a les comtés d'été, les comtés d'hiver, plusieurs mois d'affinage, 6, 12, parfois même 36 mois d'affinage. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Comment on choisit son comté? Alors, on peut faire confiance à son crémier fromager, bien sûr. Il faut exiger de goûter, ouais. Ça c'est important, puisque l'avis de quelqu'un ne vaut pas plus que celui d'un autre. Hein, et si un morceau vous plaît, pourquoi pas, après tout. Après, effectivement, on a certaines pièces qu'on peut amener à maturation un petit peu plus loin. Ça se fait dans des grands ensembles qui sont magnifiques. Il y a le Fort des Rousses, le Fort Saint-Antoine et d'autres endroits comme ça. Ça se visite, ça. Deux mots sur ce Fort des Rousses, ça a l'air incroyable. Le Fort des Rousses et le Fort Saint-Antoine se visitent, les deux, hein. Le Fort des Rousses, par exemple, abritait auparavant 3000 soldats et 2000 chevaux. Et aujourd'hui, il y a 120 000 meules de comté. Donc faites le fromage, pas la guerre. Et c'est un endroit qui est assez incroyable. Et effectivement, certaines pièces qui ont le potentiel peuvent être menées plus loin en affinage. Sur un goût personnel, moi, j'apprécie peu des fromages qui ont dépassé les 36 mois d'affinage. Mmh. Mais ça reste tout à fait personnel. Mais c'est quoi un comté, une meule qui a le potentiel d'atteindre un affinage de plus de 36 mois? Alors les saisons ont une influence sur la qualité du lait. Le fait que les animaux paissent dehors ou pas a une influence sur la qualité du lait. Et il y a des laits qui vont être plus riches, plus chargés en précurseurs de goût. Notamment, bien sûr, les laits de printemps, d'été, quand il n'y a pas trop chaud, et les laits d'automne. Ça donne des fromages qui ont un meilleur potentiel, plus jaune, avec plus de richesse. Et si le fabricant sait faire un bon fromage et ensuite l'affineur, c'est magnifié le travail qui a été fait derrière. On atteindra des sommets. C'est un petit peu comme l'élevage dans le domaine du vin. Voilà. Éric Berloez. Il y a effectivement la durée d'affinage qui est un élément tout à fait essentiel, mais même dans le comté, les professionnels, me semble-t-il, parlent de crus de comté, c'est-à-dire des micro-terroirs. Le lait n'a pas, bien sûr, le même goût, parce qu'on est sur des prairies qui ont une composition floristique différente en fonction du sol, de l'exposition, etc. Mais ça veut dire qu'on peut jouer, comme pour le vin, avec des assemblages de différents laits, ou ça va pas jusque-là, François Robin? C'est structuré un petit peu différemment. Les fruitières, par exemple, l'endroit où on fait le fromage, dans la Franche-Comté, c'est les fruitières, et ça, ils ont un rayon de collecte. Donc, on peut pas aller chercher un cru qui est à l'autre bout du département. Mais vous avez tout à fait raison. Non seulement, il y a des prairies qui sont très riches, et d'ailleurs, il y a des obligations à avoir une variété d'espèces dans ces prairies. Et en plus, la vie qui est dans ces prairies est très différente. Il y a des études qui ont montré que les bactéries, la vie profitable qui est nécessaire à la fabrication du fromage, ces bactéries n'étaient pas la même dans une parcelle et celle d'à côté. Des mutants, normal, nous sommes tous des mutants quelque part, et qui vont amener une caractéristique à chaque fromage. Voilà. C'est très intéressant aussi. Quelles sont les différentes familles? Alors là, on dézoome un petit peu. Là, on était sur les différentes variétés de comté. Maintenant, on reprend un peu de l'ampleur sur toute la gamme des fromages qui existent en France. Quelles sont les différentes familles de fromages qui existent? Il y a ces grands fromages là qu'on citait, des fromages de grande taille en général, plutôt des fromages de montagne. Hein. Plus on monte, plus le fromage a tendance à grandir, c'est normal. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la taille de la meule, la forme du fromage reflète le paysage dans lequel les vaches ou les brebis. Et c'est une raison toujours pratico-pratique. Hein. Quand on se pose des questions sur le fromage, faut toujours penser pratique. On a fait des fromages de plus grande taille quand on a réussi à utiliser les alpages, déboiser pour faire des prairies qu'on appelle des alpages ou des prairies d'estive. Et quand on monte avec plusieurs troupeaux, à l'époque on réunissait plusieurs troupeaux, quand on monte avec plusieurs troupeaux, on a des grandes quantités de lait, donc on va mettre en œuvre suffisamment de lait pour faire des fromages plus grands. Et d'ailleurs, s'il est plus grand, ça va nous permettre de stocker plus de lait pour l'hiver, puis on va éviter de redescendre des fromages tous les 2-3 jours dans la vallée, mais plutôt une ou deux fois dans la saison. Donc voilà, plus on est en montagne, plus on a des fromages à pâte un peu serré, un peu des pâtes pressées cuites, hein, comme on le dit. Et puis, quand on descend un petit peu, on va avoir des pâtes pressées non cuites, par exemple. On va avoir un petit peu plus de moelleux. On va aussi trouver dans les familles de fromages, on a les pâtes persillées, qu'on a évoquées tout à l'heure avec le roquefort. On a les pâtes molles, donc un peu plus moelleuses à croûte naturelle, à croûte fleurie, comme on dit. Je suis pas tout à fait d'accord avec le classement, mais bref. Ouais. Les fromages qui sont lavés aussi avec différentes choses. Donc ça, c'est le Munster, par exemple? Par exemple, le Munster. Ouais. Oui. Dans les croûtes fleuries, on peut citer la plupart des fromages de chèvre, mais aussi le camembert. Ouais. On a en France, on va tourner à peu près autour de ces familles de fromages. Il y a les fromages frais aussi. Et puis, après, il y a d'autres familles de fromages, mais c'est dans d'autres pays, comme les pâtes filées, par exemple. Alors ça, c'est la burrata. La mozzarella. Vous avez cité à l'instant aussi le camembert, le fameux camembert de Normandie. Hein, la région et le fromage sont aujourd'hui indissociables. Et d'ailleurs, cela avait inspiré particulièrement François Morel un matin sur France Inter. Je veux chanter ici et sur ma France Inter la beauté d'un pays, la chance bocagère, d'un produit digne enfant de France et Normandie, du pays d'Auge, enfin, pour être plus précis. Dans l'Orne, exactement un jour, Marie-Arel fit cette découverte étonnante, irréelle, d'un fromage vivant qui chante et qui respire, comme un baiser volé, comme un éclat de rire. Au milieu des pommiers, des vaches, des prés verts, un jour heureux naquit le fameux camembert. Ce matin, je serai le chantre du terroir, des richesses perdues au fond des territoires. Que je devienne ainsi, et tant pis s'il le faut, un avatar bobo de Jean-Pierre Pernaud. Je veux chanter ici avec des trémolos l'héritage inouï des savoirs ancestraux. Dire les qualités, les arômes complexes qui rendent enthousiaste et quelquefois perplexe, car il est surprenant et garde ses mystères. C'est pour cela qu'on l'aime aussi, le camembert. François Robin, il en parle bien, hein, du camembert, François Morel. Je l'embauche tous les jours, d'autant plus qu'il a créé, il y a quelques années, avec les déchiens, la fromagerie Morel, qui était un souvenir indispensable, je pense. Ouais. Alors là, dans la description du paysage qu'il associe au camembert, on pourrait le faire, alors là, on n'a pas son talent, mais on pourrait le faire avec bien des fromages et bien des paysages. Faisons ça avec les différentes régions de France, je ne sais pas, où vous voulez nous emmener, peut-être dans les bocages et nous parler des fromages associés à ces paysages. Alors les bocages, effectivement, c'est un paysage typique des zones à fromage. Le bocage, c'est la présence de haies, en fait, qui va permettre tout un tas de choses, hein, notamment de retenir l'humidité. C'est de la biodiversité, ça fait de l'ombre. Enfin, il y a plein de choses, les bocages, et ça délimite des champs, en général, avec des prairies très grasses, des zones assez humides, hein, globalement, et ça décrit très très bien la Normandie. Effectivement, la Normandie, si elle est si riche, historiquement, hein, c'est parce qu'ils ont des prairies grasses et ils ont développé des races locales, notamment la race normande, qui leur permet d'avoir un lait qui leur a fait surtout du beurre, hein, qui a permis de faire beaucoup de beurre, et ensuite du fromage. Alors aujourd'hui, la Normandie continue à produire énormément de lait, hein, ça c'est sûr. Par contre, il y a un problème, puisque le camembert de Normandie ne représente à peine 3 ou 4% de la production globale de camembert français. C'est un chef-d'œuvre en péril qu'il faut défendre bec et ongles, notamment essayer de préserver sa composante lait cru, qui est importante. Même si je ne suis pas dogmatique, hein, il en faut pour tout le monde. Du lait pasteurisé a son utilité, le lait cru aussi. C'est juste une question d'équilibre. Et là, il y a un petit peu de déséquilibre, je trouve. Voilà, c'est... Si on passait en haute montagne, alors les alpages, la végétation qui ne pousse pousse qu'une partie de l'année. Quel fromage associé à la haute montagne? Alors la Savoie, pas la Haute-Savoie, attention. La Savoie, c'est la terre du Beaufort. Le Beaufort, c'est le prince des montagnes. Ouais. Effectivement, c'est un fromage qui va faire entre 30 et 70 kilos, à la forme caractéristique, au talon concave, et qui est un condensé d'une richesse, là aussi, floristique incroyable. Mmh. Il y a des parfums qui, parfois, m'ont évoqué, moi, des choses comme un petit peu de la muscade, de la cive, il y a du beurré, surtout. C'est un fromage qui est hallucinant de plaisir instinctif et direct, qui va bien, hein, ça, la filière va plutôt bien. Ouais. Et surtout, si vous en parlez comme ça, j'imagine que là, la filière vient d'être relancée, on a tous envie de manger. Non, ça va, ils vont bien, et il y a peut-être un petit soutien à apporter éventuellement, si les auditeurs ont envie de dénicher le top du top, le grand cru, c'est le Beaufort Chalet d'Alpage, qui est fabriqué uniquement en été, au-dessus de 1500 mètres et deux fois par jour. Mais il y a très très peu de production. Ouais. C'est une sorte d'appellation dans l'appellation, une sorte de grand cru. Quoi. D'accord. Dans une zone aride, là aussi, on peut trouver des fromages. Qu'est-ce qu'on va trouver en zone aride comme type de fromage? Alors il y a un fromage, je vais sur un fromage un petit peu qu'on peut trouver relativement facilement dans le sud de la France, on va dire le Picodon. Moi je suis de la Drôme, et en Drôme et en Ardèche, on est sur des zones qui commencent à être sérieusement arides. Hein. Le Picodon peut être ces petits fromages de chèvre qui prennent le nom de Picodon, mais un petit peu plus bas, on va trouver le Pélardon, juste à côté le Bannon. Tout ça, c'est surtout des fromages de chèvre, de petits ruminants, qui vont être parfois très costauds, notamment aller goûter le Picodon méthode Diolfi. C'est un Picodon qui est lavé et qui est affiné pendant plusieurs mois. Sensation garantie. Ouais, très bien, on repart avec plein de conseils. Il y a des régions françaises où l'on ne fait pas de fromage ou très peu? Historiquement, la Bretagne. Alors ça s'explique, ça, parce que difficilement. Là aussi, on a de la présence de lait, on a de la présence de sel, on a une présence de tradition. Il y a des moines, par rapport à la transmission des savoirs. Hein, les moines ont joué un rôle historiquement. Je ne m'explique pas, si ce n'est que c'est un pays de beurre. Par contre, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on a utilisé finalement. C'est votre explication aussi, Éric Birloez. Finalement, on a la Normandie qui est juste à côté, qui est aussi une grande région laitière, mais aussi une région fromagère. Et ô combien. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on peut dire que c'est un désert fromager. Ouais. On fait du lait et on fait du beurre. Et peut-être que finalement, cette manière de conserver le lait au travers du beurre, peut-être l'aura convenu, l'aura suffi. En tout cas, on n'a pas vraiment j'ai pas vraiment d'explication autre que celle-là. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait se relancer? Est-ce qu'en Bretagne, on essaye Ça se relance. Ouais. Ça se relance. J'ai envie de rester ami avec mes collègues bretons. Ça se relance bien. Les fromageries vont plutôt bien et il y a quelques productions. De ci, de là, on voit notamment sur des élevages, des modes d'élevage un petit peu nouveaux, et aussi sur des choses un peu sur le bio aussi. Mm-hmm. C'est important. Allons faire un tour en Auvergne-Rhône-Alpes où on peut s'arrêter sur le Cantal, qui est un fromage assez particulier au niveau de sa recette. C'est assez compliqué la façon de faire du Cantal. C'est très compliqué et au fond, l'autre jour, on m'a posé la question, mais pourquoi ont-ils fait ça? J'ai pas exactement la réponse. Alors dites-nous ce qu'ils font déjà. Alors, pour faire le Cantal, le Salers, le Laguiole et aussi le Cheddar, tout ça c'est le même fromage historiquement, on est obligé de faire un premier fromage qu'on va appeler une tome, on va presser très fortement et ça donne un fromage qui est assez insipide, enfin assez léger en goût, qui est très caoutchouteux, et ce fromage, on va le briser en plein de petits morceaux, on va le mettre à maturer avec du sel. C'est un processus où on va voir le fromage va devenir un petit peu plus aigre et on va refaire une dernière pièce comme ça avec le sel à l'intérieur qui va faire entre 30 et 50 kilos. Voilà, ça veut dire qu'on est obligé de faire ça prend 24 heures à peu près dans la tradition au moins, et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, qui est très compliqué techniquement. On fait deux fromages, en fait. Ouais. Mais par contre, ça le permet vu sa forme, de le saler instantanément, quasiment, et de le conserver au moins pendant 2 ans. Ça, c'est intéressant. Donc, ça allonge le temps de conservation? L'intérêt. C'est une des raisons. On a cité un peu les best-sellers de la fromagerie, là, le Cantal, le Comté, le Camembert. Faisons donnons un aperçu de fromages plus rares et originaux. Alors, je vous laisse choisir ou je vous en évoque quelques-uns? Allez-y. Le bleu de Termignon. Oui, bleu Termignon, on est en Savoie aussi. On est dans la vallée de la Maurienne. Termignon, c'est un village qui est au pied de la Vanoise. Et On y fait un fromage qui ressemble aussi au bleu du Mont-Cenis. C'est un fromage qui est un bleu naturel. Aujourd'hui, pour faire bleuir les fromages de manière plus efficace, on pique les fromages, on les perce avec des aiguilles, ce qui permet de faire passer un peu d'oxygène. Et le champignon, la vie, va se développer. Mmh. Sur ce fromage-là, on ne le fait pas. En tout cas, il est de tradition de ne pas le faire. Donc, c'est un fromage complètement aléatoire. C'est-à-dire que moi, en boutique, quand je recevais, je le coupais. Et des fois, il était bleu sur une partie, pas sur une autre. Et c'est donc un fromage... Il n'a jamais deux fois le même goût, en fait, jamais, ce fromage. Jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un fromage, du coup, qui va présenter une sorte de ligne d'histoire, puisque le cœur du fromage est tel que le fromage était au début. Et ensuite, on a des zones un petit peu bleuies. Et on a une croûte qui est très intense, très vache. Mmh. Et c'est un fromage où il ne reste plus que 3 ou 4 producteurs. Donc, c'est vraiment un fromage rare. Ouais, en voie de disparition. Il se maintient. Il se maintient. La brousse du Rove. Ah, la brousse du Rove. Là, c'est la dernière petite sensation. Le dernier fromage AOC en France. Ouais. On fait brousser du lait de Rove. Ça veut dire Rove, quoi, brousser du lait? Alors, brousser, c'est une méthode, ça veut dire qu'on va faire coaguler en mettant de l'acide, du vinaigre, en fait. Ah oui. Globalement. Et ça fonctionne uniquement si le lait est très, très riche. Donc, c'est un fromage qui est fait uniquement avec le lait d'une race de chèvre qui s'appelle la Rove des Garrigues, qui est une race qui a été sauvée, hein, aujourd'hui, ils ont dépassé les 15 000 individus. C'est un animal qui se nourrit uniquement dans la garrigue, dans les maquis, qui supporte pas bien d'être enfermé. Donc, c'est vraiment l'image vous voyez le Luberon, le sud de la France. Bah, ouais, on est en plein dedans. C'est la Provence, la Provence de Pagnol, hein, ouais, presque. De Pagnol, ouais. Et on fait ce fromage, qui est un fromage frais, qui se présente en des petits tubes comme ça, et les Marseillais en raffolent. Mmh. Alors, par contre, pour en trouver, sur les marchés parisiens, il va falloir se lever tôt. Hein. C'est une sorte de mousse, hein, donc, ce fromage. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose d'un peu, de petits flocons comme ça, de lait. Allez, un dernier, le Salers, une AOP également. Le Salers, effectivement, qui est un fromage qui est une sorte de Cantal historique et qui est fait uniquement en saison, fermier, 100% lait cru, et qui est pour moi une sorte de super Cantal, désolé pour le Cantal, mais en général, on a plus d'intensité, en tout cas sur les Salers, qui sont un peu plus affinés. Et à l'intérieur, il y a le Tradition Salers qui, là, est en voie de disparition, c'est-à-dire qu'il est fait uniquement au lait de Salers, la race Salers. On sent que c'est toute une diplomatie de parler du fromage, parce que quand on m'en complimente un, il faut pas se fâcher avec les 2000 autres. Suite de nos pérégrinations fromagères sur France Inter, dans un instant, avec François Robin et Éric Birloez. Friday late night, there it is. The soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man. And I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother. I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another one that's been around, whatever you may think of her, I can never let you down again. It's all about trust. Smooth injuries, we had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway. Oh, can we call it quits? And is this what I need to take away? It's checkmate in my mind. So if you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother. Catch me with another one that's been around. Whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust. Girl, don't look back at the first time you feel it, no. 'Cause I'm gonna be up to something. I'm never gonna let you down again. C'était Balthazar sur France Inter. Premièrement, c'est la traite. Après, c'est la rentrée du lait. On le passe. On le fait. Après, on le chauffe. À quelle température ? À 36 de température. Et on met la caillette. Et on la laisse 45 minutes pour faire la caillette. Et après, on fait le fromage. On fait le fromage. Il faut combien de temps pour avoir un fromage pour la consommation ? Eh bien, il faut compter, chez nous, il faut compter un mois. Un mois ? Un mois. Et combien de litres de lait faut-il pour faire un fromage ? Eh bien, il faut compter à cette saison 10 litres pour faire un kilo. J'aime bien parce que nous avons dit qu'il y avait plus de 2000 fromages en France et nous avons des auditeurs qui se plaignent tous que l'on parle pas du leur. Et oui, on a toujours envie d'entendre parler de son fromage, de sa région. Et d'ailleurs, Nico nous dit, et le fromage corse alors ? Bah justement, à l'instant, nous y étions en Corse. La spécificité des fromages corse, François Robin ? Ce sont des fromages souvent assez serrés et qui sont à base de lait de brebis et ou de chèvre. On peut trouver des fromages de chèvre et des fromages de brebis, mais la tradition, c'est aussi d'avoir des troupeaux mélangés. Donc on va trouver des fromages comme ça qui ont une quantité relative de chaque lait mais qu'on ne sait pas forcément donner. Et alors chaque vallée a un petit peu son fromage. Hein. Par contre, ce qui unit les fromages corses, c'est le seul fromage AOP qu'ils aient, c'est le brooch. C'est donc un fromage qui est fait à partir du, non pas du lait, mais du petit lait. Ouais. Alors rappelez ce que c'est le petit lait. Alors le petit lait, c'est le liquide qui s'écoule au moment où on égoutte le fromage. C'est ce qui sort de la faisselle. Exactement. Et dans ce petit lait, il reste un petit peu des nutriments. Et la méthode pour les récupérer et donc aller jusqu'au bout de la ressource quelque part, c'est de chauffer ce petit lait et en rajoutant aussi un petit peu de vinaigre parfois si nécessaire, ça fait remonter cette partie-là qu'on va écumer. C'est ce qu'on appelle le brochou, c'est une ricotta, une recuite. Mm-hmm. Il y a d'autres noms comme le sérac, le broil, le greuil. Ricotta, voilà. Ça veut dire ricotta, recuite. C'est exactement ça. Éric Birloez. Une autre utilisation traditionnelle de petit lait en Franche-Comté, par exemple, c'était de le donner aux cochons parce que c'est un aliment de cochon intéressant. Et en Corse, il y a un autre fromage qui est le casse-jumel, qui est ce fromage avec les asticots. On peut consommer, si on le veut, les asticots vivants. Ouais. Et voilà, ils permettent au fromage de se déplacer. Alors, c'est un fromage que je trouve, pour ma part, assez piquant, assez amer, mais c'est vraiment un produit culturel très intéressant. C'est le fromage qui se déplace tout seul sur le plateau de fromage. Voilà. Jean précise sur Internet, vous dites qu'il n'y a aucun fromage en Bretagne, point d'interrogation. Que faites-vous de l'abbaye d'Entrammes et de son Port-Salut ? Alors, je dis que ça va mieux, qu'il y a des productions qui se relancent. Historiquement, effectivement, il y a quelques fromages bretons. L'abbaye d'Entrammes, c'est une production qui a été relancée avant, qui a donné lieu au Port-Salut, mais le Port-Salut est devenu un produit de plus grande consommation, qui n'est plus du tout localisée en Bretagne, en tout cas, pas seulement. Voilà. Alors François Robin, vous allez vous fâcher avec la plupart des auditeurs, parce que je vais vous demander de nous constituer le plateau de fromage idéal. Alors sur un plateau de fromage, on met quoi ? 5, 6 fromages, 9 si il y a beaucoup de convives et qu'on est très riche. Qu'est-ce qu'on met pour avoir une belle diversité représentative des régions françaises sur son plateau de fromage ? On va jouer avec les types de lait. Il y aura toujours des amateurs de chèvres, toujours des amateurs de brebis et de vaches. Donc déjà, ça fait 3 portes d'entrée. Il faut avoir au moins un de chaque, je pense en tout cas. Aller chercher des différences de texture, donc des fromages plus fermes, plus crémeux, plus moelleux, certains fondants. Et ensuite, on va jouer avec les intensités de caractère, tout simplement. On va avoir des fromages plus doux et des fromages plus puissants. Tout ça pour dire, c'est qu'on est... on n'a pas tous le même goût, et heureusement, sinon il y aurait un seul fromage. Ce serait simple de faire un plateau, j'en mettrais un seul si on avait tous le même goût. Vous êtes très habile parce que vous venez de me faire un plateau de fromage sans citer un seul nom de fromage. Ah ok, je m'en cite, il n'y a pas de problème. Vous allez obligatoirement mettre un petit peu de comté, par exemple. Ouais. Sur les fromages de chèvre, vous pouvez aller plutôt vers l'ouest, là, par exemple, sur mon inspiration du jour, sur du Chabichou, du Poitou, du Sainte-Maure de Touraine, j'ai des liens par là aussi. Ouais. Sur le brebis, une petite merveille qui s'appelle le Pérail, par exemple, qui est très crémeux, très moelleux. Sur les bleus, on peut aller du côté de la fourme de Montbrison, qui est un bleu qui va donner relativement peu d'intensité. Si vous voulez vraiment ensuite mettre un coup de sensation, il y a aussi le retour du fromage fort, c'est-à-dire les restes de fromage, un petit peu comme dans certains films que vous connaissez peut-être, qui sont travaillés ensemble et qui donnent une touche finale à un plateau comme ça, où ça va monter en intensité. Comment on déguste un fromage ? Une fois qu'on l'a bien sélectionné, qu'on a ce superbe plateau, il faut encore savoir en profiter et apprécier. Comment on déguste ? À bonne température, déjà, donc pas trop froid, pas trop chaud. En cette saison, il faut surtout pas sortir son fromage 2 heures à l'avance, c'est pas une très bonne idée. Ouais. Donc une demi-heure à l'avance, c'est plutôt bien. Et ensuite, si on veut vraiment le déguster, il faut savoir que le fromage, c'est pas seulement l'intérieur du fromage, c'est aussi la croûte, le croûtage. Il y a de la vie, il y a des arômes, il y a des odeurs, et ça, il faut prendre le temps de sentir son fromage à l'intérieur, à l'extérieur, et on peut goûter toutes les facettes du fromage. Il n'y a pas de danger à manger un croûtage, sauf dans certains cas particuliers. Mais du coup, cette dégustation, elle est à la portée de tout le monde. Il faut juste se concentrer un tout petit peu. Mmh. C'est comme pour un vin. Si on n'est pas concentré, on va passer à côté d'un certain nombre de choses. Pour le fromage, il faut être un tout petit peu concentré. Quelques secondes, voilà, pour vraiment plonger dedans. Éric Birloez, le cas de la France où l'on mange le fromage à la fin du repas, souvent avant le dessert, c'est une place récente dans le protocole du repas? Oui, alors c'est à la fois une exception française. Il y a qu'en France qu'on fonctionne comme ça, le plateau de fromage. Ailleurs, on va le consommer sous forme d'ingrédients, ou alors au petit déjeuner, ou sous forme de snack, à l'apéro, etc. Mais alors en France, on a cette particularité qui, somme toute, est assez récente. Elle date du début du XXe siècle. Autrefois, quand on mangeait du fromage, c'était toujours à la fin du repas, mais c'était mélangé avec des fruits. Et même souvent, le fromage était après les desserts sucrés, les fruits, les pâtisseries, etc. Parce que le fromage avait la réputation, surtout s'il était bien affiné, de fermer l'estomac. D'où l'expression, ils ont discuté de ça, entre la poire et le fromage. Eh oui. Et pas l'inverse, le fromage après la poire, qui au passage était un des seuls fruits mangés à la fin du repas. Au Moyen-Âge, les fruits, on les mange au début du repas. Et donc ça va évoluer parce que le sucre va arriver, et qu'à un moment, les Français vont dire, on peut pas continuer à mélanger des mets salés, le fromage, avec des mets sucrés. Donc le sucré, définitivement, c'est la fin du repas. Et le fromage, comme on l'aime beaucoup en France, eh bien on va lui trouver une place. Et d'ailleurs, dans la définition du repas gastronomique des Français, qui est au patrimoine culturel de l'humanité depuis 2010, eh bien le fromage est une des quatre séquences du repas à la française. L'entrée, le plat de résistance, le fromage et le dessert, et ça, c'est absolument unique au monde. Excusez du peu. François Robin, avec quoi on le mange, ce fromage? Alors souvent, on associe ça du pain, du vin. Est-ce que c'est vraiment une règle absolue? Est-ce que tous les fromages se marient bien avec le vin, d'ailleurs? Alors c'est historique, hein, tout ça. Le fromage, c'est surtout une nourriture de paysans, une nourriture de gens qui mangent pas beaucoup de protéines animales, pas beaucoup de viande, et qui mangent beaucoup de pain. À l'époque, les paysans mangent beaucoup de pain. Hein. C'est vraiment une nourriture humble, simple. C'est resté. Et moi, j'en consomme quasiment quotidiennement avec du pain. J'aime beaucoup ça. Et après, les pains peuvent être très variés. Il y a un retour des pains avec des ingrédients dedans ou des manières de les faire pousser un peu différentes. Donc ça reste toujours un très bon conseil. Sur le vin, j'aurais tendance à aller explorer les vins blancs, par exemple, plutôt que les vins rouges, qui parfois, les tanins sont pas forcément très recommandables avec le gras du fromage. Hein. Mmh. Voilà. Avec quoi on peut associer une association peut-être un peu plus originale? Par exemple, le comté, certains le mangent avec de la confiture de fruits rouges. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Est-ce que c'est une hérésie? Non, il y a aucun problème. À partir du moment où le morceau de fromage est dans votre frigo, vous faites ce que vous voulez avec. Au contraire, il faut s'amuser, il faut tester, voilà, c'est un produit comme un autre. Il faut être créatif, un peu fusion. Je l'ai mangé l'autre jour avec une confiture de poivron. C'était formidable, le comté. Un autre conseil que vous pouvez donner comme ça d'association originale? Une touche sucrée, effectivement. Le miel, par exemple, sur un fromage de chèvre, c'est délicieux, vraiment très bon. Rapidement, dans quel pays trouve-t-on de bons fromages? Pour ne pas être complètement chauvin, où est-ce qu'on peut manger des bons fromages ailleurs qu'en France? Alors en Italie, pour sûr, il y a un festival qui est formidable qui s'appelle le festival de Bras, Cheese de Bras, qui est organisé par l'association Slow Food, que vous connaissez peut-être. Et voilà, c'est un pays au fromage, avec une grande variété de fromages, et ils essaient de les sauvegarder. Après, l'Espagne est plutôt pas mal. En Europe, on est plutôt bien servi. Là où c'est très surprenant, je vais vous étonner sans doute, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, il y a un courant de développement des fromages artisanaux qui est assez incroyable. Et c'est d'ailleurs vrai à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, on voit des fromages. Là, j'ai vu des photos d'un concours de fromage au Brésil il y a deux jours où c'était tout à fait honnête. C'est en train de pousser un petit peu partout, le fromage. Moi, je voyage beaucoup et je peux le voir. Ouais. Merci, François Robin. Alors, pour avoir tous ces conseils et bien d'autres encore, je rappelle que vous avez publié Le fromage pour les nuls aux éditions First, et on apprend plein de choses sur la façon justement de manger ces fromages et puis peut-être de créer ses propres plateaux de fromage. Restez avec nous après le fromage, on passe au dessert avec Éric Birloez qui nous emmène sur les routes des fraises. suis venu te dire que tu peux changer. C'était Fille de personne de Hubert Lenoir. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Thierry Dupin. Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin de richesses vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte ? Oh, c'est surprenant. Et nous retrouvons donc Eric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation. Chaque semaine, vous nous emmenez sur les routes d'un aliment qui a voyagé pour arriver dans nos assiettes. Au menu aujourd'hui, Eric ? Eh bien, l'aliment voyageur dont je vous parle aujourd'hui est un fruit, la fraise. Mais si je voulais être scientifiquement exact, je devrais dire que la fraise n'est pas un fruit, mais une corbeille de fruits. Ah, comment ça, une corbeille de fruits ? Oui, je m'explique. La partie rouge, charnue et juteuse dans laquelle vous croquez à belles dents n'est pas, comme c'est habituellement le cas, le pistil de la fleur qui se serait transformé après la fécondation de celle-ci par le pollen. En termes botaniques, cette partie charnue est le réceptacle floral qui a considérablement grossi. Les véritables fruits de la fraise, ce sont les nombreux et tout petits grains secs de couleur vert-brun parsemés à la surface de la fraise. Mmh. Les botanistes les appellent des akènes. La fraise est un polyakène. Et ce fruit, pardon, cette corbeille de fruits qu'est la fraise, elle nous vient d'où ? Eh bien, cela dépend des espèces. En France, nous avons sous la main, depuis toujours, une fraise autochtone. C'est la petite fraise des bois. Mmh. En revanche, la grosse fraise du marché ou des magasins est d'une espèce différente. Elle est le fruit, c'est le cas de le dire, de croisements réalisés à partir de la fin du XVIIIe siècle, des mariages que les horticulteurs ont opérés à partir d'espèces de fraises qui, elles ont beaucoup voyagé, puisqu'elles viennent, pour certaines espèces, d'Amérique du Nord et pour d'autres, du Chili. Alors restons pour l'instant sur la fraise des bois, la seule qui existait au Moyen-Âge. Elle était sûrement déjà très appréciée ? Ben, en réalité, pas par tout le monde. Jusqu'au XIVe siècle au moins, la fraise était plutôt dédaignée et même méprisée par les nobles. Mais pourtant, c'est délicieux. Ils n'aimaient pas ce goût-là. Non, mais ça n'a rien à voir avec le goût, en fait. Ah bon ? C'est quelque chose qui a à voir avec la symbolique et avec la médecine. La fraise présentait à leurs yeux un très grave défaut. Elle se développe au ras de la terre. Or, dans la vision du monde de l'époque médiévale, la terre, c'est, parmi les quatre éléments de l'univers, le moins noble. Moins noble que le feu, que l'air, que l'eau. Conséquence, tous les végétaux qui poussent sous la terre ou à sa surface, les fraises, mais aussi les melons et l'ensemble des légumes, vont pâtir de cette image négative de la terre. Les nobles étant de rang social élevé, ils devaient se nourrir d'aliments eux-mêmes élevés, poussant en hauteur ou volant haut dans le ciel, comme le cygne ou les hérons. Cette perception symbolique était renforcée par les médecins médiévaux qui, pour des raisons de santé, déconseillaient les fraises et les melons à leurs riches patients. Mais les choses vont ensuite changer. Oui, surtout à partir du XVIe siècle. Les nobles français sont à cette époque totalement fascinés par l'Italie de la Renaissance. Ils veulent imiter en tout les aristocrates de la péninsule. Or, ces derniers, les Italiens, mangent beaucoup de légumes et de fruits, dont des fraises. Et du coup, ces dernières deviennent très prisées par les élites françaises. Et pour répondre à cette nouvelle demande, on accroît fortement la culture des fraises des bois. Puis c'est l'arrivée des premières fraises d'Amérique. Oui, dans la première moitié du XVIe siècle, Jacques Cartier et d'autres explorateurs découvrent en Amérique du Nord une autre espèce de fraise. Les botanistes la nomment fraisier de Virgilie. Mais en France, leur culture restera confidentielle. Et c'est là que la grosse fraise chilienne débarque en France ? Oui, et là l'histoire est vraiment intéressante. En 1711, un officier du génie maritime, spécialiste des fortifications portuaires, est envoyé en mission d'espionnage au Chili. Sur place, il remarque des fraisiers cultivés par les Amérindiens, mais il remarque surtout que les fraises sont très grosses, même si elles sont de couleur blanchâtre, et ont, c'est vrai, un goût moins délicat que les petites fraises des bois. Cet ingénieur, explorateur, espion se nomme, ça s'invente pas, Amédée François Fraisier. Ah, ça s'écrit pas exactement pareil. Hein. Voilà, F-R-E-Z-I-E-R. Il parvient à rapporter en France 5 plants qui donnent des fleurs, mais pas de fruits. Sans en avoir conscience, Fraisier n'a rapporté du Chili que des plants femelles qui, faute d'être pollinisés, demeurent stériles. Du coup, on laisse tomber ces fraisiers exotiques du Chili? Bah, heureusement que non. Parce que vers 1740, des cultivateurs de fraises bretons du village de Plougastel, près de Brest, constatent que ces fraisiers du Chili donnent des fruits si on les plante à proximité des fraisiers de Virgilie. Et c'est un jeune botaniste de 19 ans, Antoine-Nicolas Duchesne, qui en comprendra la raison. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est que les pieds mâles des fraisiers de Virginie ont pollinisé les fleurs femelles des fraisiers chiliens plantés à proximité. Et là, miracle, il y a eu création naturelle spontanée d'un hybride. Mais la très bonne surprise, surtout, c'est que cette nouvelle espèce réunit les qualités de ses deux parents. Les fruits sont gros comme les fraises chiliennes et rouges et délicieux comme les fraises de Virginie. Eh bien, ces plantes hybrides, ce sont les ancêtres de la plupart de nos fraisiers actuels. En 2017, sur 10 fraises produites dans le monde, la Chine en avait fourni 4 et les États-Unis une et demie. Pour sa part, la France avait assuré un tout petit 0,06% de la récolte mondiale. Très rapidement, Eric, la recette ? Eh bien, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'influence de l'Italie qui, à la Renaissance, a redonné à nos ancêtres de la noblesse le goût des fraises, je vous propose une recette de tiramisu aux fraises. J'ai pas le temps de la détailler, mais vous la trouverez sur le site de l'émission. Et François Robin me disait tout à l'heure que une belle association de fraises, c'est avec, par exemple, du chèvre frais et du brillat savarin. Merci Eric Birluet. Je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions Ouest-France. À la semaine prochaine, Eric. Au revoir, Daniel.